Strain armillou, ramène une gadia sormillou. Je ne sais même plus, j'ai dormi où. Trapurie dans le Porsche caillou. Calice, midi, moi je taillou. Si je fais poursuite, mes toits devant eux, fais les reculer ou je des cailloux. Des fait salou, pour faire virer sur salou. Miss sushi, chacalou, ton pote a même pas dit salou. Les gens qui me parlent plus sali, racontent mes secrets et me salissent. Je vois qu'ils gaspillent leur salive, tu veux du shit, t'inquiète, salive. Ça me voit sa trace et derrière salou. J'suis pensif sous la luna. Stream pas triche, j'ai cassé le game au pépis, gros, j'fais pas de manière de riche. La skip, tu as une fiche, oh, mais on sait que tu flèches. Ça pisse ton code au guichet, ça te laisse à la dèche. Faut que je déguste sur yacht, pour l'instant j'traîne au parking. Lui c'est un vendeur de bagnole, c'est pour ça qu'il veut ton jean. À dire que ça me voit comme la cagnotte, ça oublie qui je suis. Body le buzz, ça monte à la tête, alors j'fais attention qui je suis. Tous les jours j'apprends des choses, tous les jours.